إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit بإذن الله l'explication du livre intitulé أعلام سنة المنشورة للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. On s'est arrêté la semaine dernière à la question 169. On va donc commencer aujourd'hui. Et à travers cette question, le shir, il va revenir à des termes qui sont employés dans le Coran. Et donc, on en est toujours aux terminologies. Et on verra qu'après, on va passer à des règles qui sont bien précises et qui sont en rapport avec ce qu'on appelle masalat al-takfir, le fait donc de rendre mécréant. Et auparavant, le shir, ce qu'on a vu donc le dernier cours, il nous avait bien expliqué quelle était donc la différence entre le kufr al-amali ou le kufr al-irtiqadi et comment on devait comprendre cela et quelle était également la relation qu'il y avait avec les autres termes avec lesquels ou par lesquels on appelait également les catégories du kufr comme le kufr al-akbar ou le kufr al-asrar et les relations qu'il y avait entre eux. Donc le shir nous a expliqué cela, il a détaillé, et ensuite il va revenir à d'autres termes qui sont employés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui sont des termes religieux et qui ont eu une acceptation religieuse lorsqu'ils sont employés à travers le shara, la législation. Et cette question 169, le shir va nous parler du dhulm. Il va nous parler de al-fusuq ou al-fisq. Il va nous parler de al-nifaq. Une question qui va venir se poser ici, c'est également un terme que l'on rappelle et qui est shirk. Ash-shirk, que l'on traduit par l'associationnisme ou que l'on traduit par le polythéisme. Et le shirk, qui est le fait d'associer Allah Azzawajal à n'autre que lui. À la kulli hal, ici il est important de connaître et de comprendre la différence qu'il y a entre Al-Kufr et Al-Shirk. La différence qu'il y a entre le terme Al-Kufr et le terme Al-Shirk. On va s'apercevoir qu'auprès des savants, il y a une divergence. Certains savants ont dit que le Kufr ou Al-Shirk, c'est la même chose. Et beaucoup de savants également qui ont dit que Al-Kufr est différent du shirk. Parmi ceux qui ont dit que Al-Kufr est pareil au shirk, c'est-à-dire que l'on dise shirk ou que l'on dise kufr, c'est la même chose. Ce sont en fait des synonymes lorsqu'ils sont employés dans la législation. Parmi eux, Abu Bakr al-Assam, rahimahullah, et d'autres savants encore. Et d'autres qui ont dit qu'il y a une différence entre ces deux termes, qu'il y a bainahum umum wa khusus, qu'il y a donc entre eux un aspect qui va être plus général, qui va apparaître, et d'un autre côté un aspect bien entendu plus spécifique, et qui ont dit, pour simplifier la chose, que al-kufr a'ammu min ash-shirk, al-kufr a'ammu min ash-shirk, c'est-à-dire que la mécréance, al-kufr, ce terme-là est plus général que le polythéisme, le shirk. Il est plus général. On va comprendre à partir de cela que le shirk est présent à l'intérieur du terme kufr, mais que le terme kufr va avoir une acceptation plus générale par rapport à la religion. C'est-à-dire que le kufr, il va comprendre le shirk, il va comprendre autre chose encore. Et les exemples que nous ont donnés les savants, et c'est en réalité pour ceux qui ont suivi les cours avec nous de parmi les trésors du Saint-Coran, du grand savant Abdel Mohsin al-Abbad, hafizahullah, min shaykhina, ils se rappelleront qu'on avait déjà traité, que le shir donc a traité de cette question-là, et que lui l'a fait apparaître, et c'est son avis qu'il y a bel et bien une différence entre le shirk et le kufr. Et à partir de là, les savants vont apporter tout simplement des exemples pour appuyer ce qu'ils ont avancé. Dans un premier temps, ils vont nous dire qu'à titre d'exemple, sabballah wa rasoul, c'est-à-dire le fait d'insulter Allah et le fait d'insulter son prophète, cela va entrer dans le kufr, mais ça ne va pas entrer dans le shirk. Également, al-istihza bid din, le fait de se moquer de la religion, ça également, ça va rentrer dans le kufr, mais ça ne va pas rentrer dans le shirk. Et si maintenant on regarde la définition du shirk par rapport à la langue arabe et par rapport à la langue, ou par rapport à la langue arabe et par rapport à la religion, par rapport à la législation, on va s'apercevoir qu'il est vrai que ces exemples ici de mécréance ne peuvent rentrer dans le shirk. On sait que par rapport au shirk, au niveau de la langue arabe, yadullu ala al-muqarana, c'est-à-dire ça va indiquer al-muqarana, le fait de rapprocher deux choses, ou le fait de comparer entre deux choses, et qui est le contraire de l'infirad, qui est le contraire donc du fait d'être seul. Une chose lorsqu'elle est rendue seule, ça c'est l'infirat, donc ça c'est son contraire. Ça c'est au niveau de la langue arabe. Et par rapport au char, comme beaucoup de savants en ont donné la définition, wa ja'alu sharik lillahi fi haqqi, c'est-à-dire donc de placer un associé, Allah Azzawajal, dans son propre droit, dans ce propre droit, c'est-à-dire le droit d'Allah Azzawajal, qu'il a bien entendu sur ses esclaves par rapport à l'adoration, ou alors par rapport à ses noms et attributs, ou par rapport à sa rububiyya, par rapport à sa seigneurie, etc. Donc on va s'apercevoir que l'insulte d'Allah, l'insulte du prophète, le fait de se moquer de la religion ne rentre pas dans cette définition, dans cette acceptation, soit au niveau de la langue arabe, au niveau du dîn, au niveau de la religion. Et on voit bien que, également, si on faisait une comparaison entre le terme shirk et al-kufr par rapport à la langue arabe, comme on l'a déjà vu, al-kufr c'est quoi? C'est atartiya wa sitr, le fait donc de cacher, le fait de dissimuler. C'est par rapport à la langue arabe, c'est ce qu'indique le terme kufr. Donc on voit qu'il y a bel et bien une différence, et même au niveau des définitions qui nous sont données ensuite par les savants, et parmi eux qui ont dit jahadu shay'in mimma jahabi ar-rasul, etc., c'est-à-dire le fait de renier une chose avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc comme on l'avait expliqué, comme on avait donné les définitions, on voit bien qu'il y a une différence. On voit bien qu'il y a tabayun, différence entre ces termes. C'est pour ça que la parole la plus forte dans cela, c'est ceux qui ont dit qu'il y avait une différence entre le kufr et le shirk, et que le kufr était considéré comme étant plus général que le shirk, sachant qu'il y a des choses qui vont rentrer dans le kufr mais qui ne vont pas rentrer dans le shirk, et que tout ce qui va rentrer dans le shirk va automatiquement rentrer dans quoi? Dans le kufr. Et maintenant, peut-être une ambiguïté qui peut se poser par rapport à un verset du Coran. Et c'est par rapport à ce verset donc que certains des savants se sont appuyés pour dire donc qu'il n'y a pas de différence entre le kufr ou le shirk. Et que le verset suivant, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla certes ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Wa yaghfiru ma duna dhalika. Donc dans ce terme madouna dhalika, que l'on veut traduire, si on revient donc à la traduction, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Ça voudrait dire, ou comment on pourrait comprendre le verset, c'est qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas le shirk, et en dehors du shirk il pardonne tout ce qu'il veut. Mais pour ce qui est de la compréhension de ce verset, ça ne veut pas dire, on ne peut comprendre ma siwa shirk. Ma siwa shirk, c'est-à-dire que madun shirk bimarna ma siwa shirk. Mais le terme qui est bel et bien employé, c'est-à-dire ce que l'on pourrait traduire directement en dehors donc du shirk, il pardonne à qui il veut. En dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Mais le terme qui est employé, c'est madun shirk, madun dhalik. Yani fil aya, inna Allah la ghafiru an yushraka bi wa yaghfiru madun dhalik. Yani madun shirk. Donc on voit le terme madun. Et ce terme-là, il est en réalité précis. Et sa définition, ou plutôt sa compréhension, sa compréhension de ce terme maduna dhalika, c'est-à-dire maduna shirk, ce qui n'est pas du niveau du shirk, ce qui n'est pas du niveau du shirk. Donc tout ce qui n'est pas du niveau de l'associationnisme, Allah Azzawajal le pardonne. Et est-ce que le kufr n'est pas du niveau du shirk? Et comme on l'a vu, bien au contraire, il est du niveau du shirk, et même il peut être encore pire, al kufr. C'est pour ça que les savants ont dit maduna shirk, beaucoup de savants ont dit fakharaja bihadha al kufr. C'est-à-dire qu'il sort, bien entendu, de ce verset le kufr. C'est-à-dire que le kufr va rentrer dans la première partie du verset. Parce que le kufr est de même que le shirk, ou même encore pire. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés. Et donc, c'est dans ce sens qu'on comprend bel et bien le verset. Tout ce qui n'est pas du niveau du shirk, tout ce qui n'est pas du niveau du shirk, Allah Azzawajal le pardonne à qui il veut. Le pardonne à qui il veut. Donc d'après cette compréhension, on sort de l'ambiguïté que l'on aurait pu avoir à propos de la compréhension de ce verset. Ensuite, lorsqu'on parle du shirk, on va voir un verset qu'on a déjà vu la semaine dernière. Et on va voir ici que le shirk, il est employé pour désigner le kufr. Ce verset, c'est le verset fi surat Al-Kahf, qui est le verset 42. Et avant ce verset, bien entendu, fi surat Al-Kahf, nous avons le verset 35 et 36 qui vont venir en réalité, avant cela, nous faire comprendre pourquoi le shirk ici, il a été bimarna al-kufr. Et c'est donc le verset suivant, يقول الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même. Donc ils l'ont traduit ici par ça, mécréance. Taïb, ou plutôt ils l'ont mis entre parenthèses, en revenant à la traduction. Il entra dans son jardin coupable envers lui-même. Il dit, je ne pense pas que ceci puisse jamais périr. Et je ne pense pas que l'heure viendra. Donc on voit ici que c'est du kufr. Qu'ici c'est du kufr. Pourquoi? Parce qu'il y a ici un takdhib. Il dément. Il dément quoi? Que l'heure viendra. Et il dément que cela puisse un jour périr. Et on va voir ensuite. Donc cela va apparaître dans le verset 42 qui vient à la suite et qui est toujours donc à propos du texte relatif à cette personne qui a fait donc acte de kufr. Et qui est le verset suivant: وَأُحِيطَ بِثَمَرِي فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Donc ici, on va apparaître le terme يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Alors que cette personne n'a pas fait un acte de shirk comme on le comprend donc par rapport à sa définition du shirk, c'est-à-dire qu'il n'a pas associé Allah Azza wa Jalla, mais il a fait ici un acte de kouf par rapport au takdhib, par rapport au fait donc de démentir l'heure, le fait de démentir l'heure. Et le terme qui est employé ensuite, donc lorsqu'on traduit, et sa récolte fut détruite, il se mit alors à se tordre les mains à cause de ce qu'il avait, de ce qu'il y avait dépensé, cependant que ses trailles étaient complètement ravagées. Il disait que je souhaite n'avoir associé personne à mon Seigneur. Donc le terme ici, l'âme ushrik, c'est en réalité bimarna El Kouf. Bimarna El Kouf. Donc on voit ici l'emploi du terme shirk, de son dérivé ici en l'occurrence, et qui est donc le verbe bimarna El Kouf. Et c'est pour ça qu'en réalité ensuite, dans le verset 37, qu'est-ce qu'il va lui dire son compagnon? Il va lui dire Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfa thumma sawwaka rajula. Il va lui dire Akafarta. Regardez le terme ensuite qui est employé lorsqu'il va lui répondre. Akafarta. Donc, plus qu'explicite, c'est un terme bien entendu qui est ici le dérivé du terme kufr, et qui est le verbe conjuguer le verbe akafarta billadhi khalaqaka. Donc il veut dire que c'est du kufr ici. Et donc à partir de là, on va comprendre que dans ce verset, lorsque la personne a dit wa yaqulu ya laytani lam ushrik bi rabbi ahada, le terme shirk, il a bimana ici le kufr. Et par rapport à cela, il n'y a aucune ambiguïté également par rapport à ce qu'on a dit, qu'il y avait une différence entre le kouf et le shirk. Et pourquoi cela? Parce qu'on va s'apercevoir, et ça c'est un procédé. Donc on revient toujours à la langue arabe. Et celui qui veut comprendre réellement le Coran, qui veut comprendre réellement les termes employés, et qui veut avoir des bases solides à ce niveau-là, et être précis dans la compréhension, il faut qu'il revienne à la langue arabe. Il faut qu'il revienne donc toujours à la langue arabe et connaître également les procédés qui sont utilisés à travers cette langue arabe. C'est pour ça que on va s'apercevoir que dans beaucoup des versets du Coran, également dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un procédé qui est utilisé et que l'on appelle itlaq al-juz al-al-kul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Itlaq al-juz al-al-kul. Ça veut tout simplement dire que l'on va employer, que l'on va utiliser ou qu'on va désigner une partie d'un objet pour désigner son entité entière. On va donc employer la partie d'un objet ou désigner la partie d'un objet ou d'une chose de façon générale pour désigner son entité entière. Et c'est le cas ici. On a pris une partie, en l'occurrence ici du kufr, parce qu'on a bien dit que le shirk qui rentre dans le kufr, on a pris une partie donc du kufr qui est le shirk pour désigner en réalité le kufr, donc désigner ce qui est donc beaucoup plus général que le shirk et le kufr, pour désigner donc ici ce qui va être général. Taïb. Et si on prend un exemple du Coran pour reprendre ce procédé, on va s'apercevoir que dans un verset du Coran qui est Fisurat al-Ahzab, qui est le verset 42, يقول الله عز وجل وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا. Ici le terme qui est employé ou le verbe qui est employé وسبحوه, donc التسبيح, et tout le monde sait ce que c'est التسبيح, donc le fait de dire subhanallah, de purifier Allah Azza wa Jal. Et si on reprend l'explication des savants, on va s'apercevoir que parmi les salafs, ils ont expliqué وسبحوه ou le tasbih bimarna salah, c'est-à-dire qui a pour signification la prière, c'est-à-dire donc priez-le à la pointe et au déclin du jour, priez-le à la pointe et au déclin du jour. Donc ici marna as-salah, at-tasbih bimarna salah. Et c'est la parole d'Ibn Abbas, de Qatada, de l'imam Tabari, etc. Et on va s'apercevoir ici c'est que cela rend dans ce procédé itlaq al-juz al-al-kul. Allah Azza wa Jalla a voulu par le terme وَسَبِّحُهُ التَّسْبِيح, qui est une partie de la prière. Et là, on retrouve dans la prière le tasbih, donc c'est une partie de la prière. Mais ce qui est voulu par l'utilisation de cette partie, c'est tout simplement la prière de façon générale, donc la prière en elle-même, ce qui est donc beaucoup plus général, l'entité en elle-même. Ici c'est pas une question d'entité, mais on va dire que c'est l'acte en lui-même, c'est-à-dire la prière, celle qui est générale. De même donc pour ce qui était de ce verset, lam ushrik bi rabbi ahada, il est employé une partie où ce qui va rentrer dans le kufr qui est le shirk, et on désigne et on veut par là le kufr tout entier. Également dans le verset, si on reprend encore ce procédé dans un des versets du Coran, wa yabqa wajhu rabbik, c'est-à-dire lorsque il va rester que toutes choses donc vont dépérir et qu'il va donc rester le visage d'Allah, wajhu rabbik, ou la face d'Allah azawajal. Et on va bien entendu comprendre ici que c'est Allah azawajal tout entier, son entité entière, qui va bien entendu rester. Mais ici le terme qui est employé, wajhu rabbik, c'est-à-dire donc la face de ton Seigneur. Donc également c'est un procédé ici qui était utilisé. On a voulu donc par la face de ton Seigneur Allah azawajal tout en entier. Et ça c'est de façon plus qu'évidente par rapport à notre croyance qu'Allah Azza wa Jal donc ne disparaîtra pas à ce moment là ou ne périra pas à ce moment là et que toute chose donc périra. Subhana. Naam, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, seul subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Donc on comprend bien que c'est Allah Azzawajal qui restera. Mais ici, ce qui a été utilisé, c'est une partie d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc sa face, son visage, Allah subhanahu wa ta'ala, et bien entendu notre croyance est claire par rapport à cela. Pour ce qui est des sifat, pour ce qui est donc des attributs d'Allah Azzawajal, donc on va comprendre à partir de là qu'on a voulu, ou qu'Allah Azzawajal a voulu son entité tout en entière, subhanahu. Ensuite, on va passer également, pour compléter le sujet de Al-Kuf, Donc ici, c'était un rappel pour ce qui était de la différence entre le kufr et le shirk, qui était donc important à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le shirk, il va donc expliquer ici certains termes, comme al-zulm, al-fusuq ou al-nifaq. Et on va s'apercevoir que ces termes, zulm ou al-fusuq, ils vont également être synonymes de kufr. Ils vont être également synonymes de kufr, comme le shirk va nous le faire apparaître à travers les versets du Coran. Et donc bien comprendre également ici ce qui est voulu par ces termes-là. Mais avant cela, on va donner ici une des catégories. Donc on donne toujours des catégories du kufr. Lorsqu'on dit catégorie du kufr, on indique bi'tibar, c'est-à-dire suivant certains aspects. Ici, les catégories du kufr que l'on va donner, aqsam al-kufr, bi'tibar ma yaqumu bihi min a'dha al-badan. Tout simplement, c'est en réalité la catégorie ou les catégories du kufr par rapport à ce qui va être accompli par les membres du corps. Tayyib, on va s'apercevoir que dans les paroles des gens de science, ils ont donné trois catégories par rapport à cela. Ils ont dit qu'il y a le kufr qui est relatif au cœur, qu'il y a le kufr qui est relatif à la parole, et qu'il y a le kufr qui est relatif au amal, qui est relatif donc à l'acte. Donc en réalité, c'est également ici un complément de ce qu'on a vu le dernier cours. Pour ce qui est du premier qism, al-kufr al-qalbi, wa ma yaqum bil qalb, donc c'est ici l'accomplissement du cœur qui va accomplir donc ce kufr. Il va rentrer donc dedans al-i'tiqadat al-mukaffira, c'est-à-dire donc toutes les croyances qui font sortir de l'islam, comme par exemple la croyance que le prophète a menti, ou alors avoir le doute sur sa sincérité, ou alors encore avoir la croyance qu'il y a un associé à Allah Azzawajal, ou un associé à Allah Azzawajal dans ses noms, ou alors dans sa seigneurie, ou alors dans ses attributs, ou alors dans son adoration, ou alors également croire que des choses qui sont connues pour être interdites dans la religion, croire que ces choses-là sont permises, etc. Tout ça rentre donc dans les i'tiqadat al-mukaffira, et ça va être fait par le cœur. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont appelé les savants le kufr al-qalbi, le kufr qui est en relation avec le cœur. Et donc à partir de là, al-kufr al-qalbi, c'est le kufr al-akbar, c'est-à-dire le kufr qui fait sortir de la religion, pour ce qui est de al-kufr al-qalbi. Ça c'est le premier. Le deuxième ensuite, al-kufr al-qawli, donc la mécréance qui est propre à la parole. La mécréance qui est propre à la parole, al-kufr al-qawli, c'est en réalité wa ma yajri al-lisan, c'est tout ce qui va donc apparaître sur la langue, c'est-à-dire ce que va dire la langue. Min al-aqwal al-mukaffira, min al-aqwal al-mukaffira ala wajh al-ikhtiyar, c'est-à-dire donc les paroles qui vont apparaître de la personne, ce qu'elle va dire de par sa langue, et des paroles qui vont être mukaffira, et bien entendu à la wajh al-ikhtiyar, et qu'il fait cela de par son plein gré, c'est-à-dire qu'on va faire sortir à partir de là celui qui est obligé, celui qui est contraint, al-mukra. Et à titre d'exemple ici, saballah, le fait d'insulter Allah, le fait d'insulter son prophète, ou le fait également iddi'an nubuwa, le fait donc de prétendre qu'on est un prophète, de prétendre donc la prophétie. Tout ça, ça advient avec la langue, par la parole donc, al-kufr al-qawli. Et les exemples qu'on a donnés ici, ça fait bel et bien sortir de l'islam. C'est pour ça que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi yaqul dans son livre Salim al-Masloul, يقول من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة من غير حاجة عامدا لها عالما بأن كلمة كفر بأن كلمة كفر فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطنا. Il nous dit, cher l'Islam, que celui qui dit de par sa langue la parole du kufr sans qu'il en ait eu le besoin et qu'il l'a fait explicitement, aliman, et qu'il savait qu'il avait la science, le savoir que cela était bel et bien la parole du kufr, alors à ce moment-là, yakfur, c'est-à-dire qu'il sort de l'islam, que ce soit de façon apparente ou batin, que ce soit de façon apparente et intérieure. Et comme on l'a dit, ça fait sortir ici celui qui va être contraint, celui qui va être contraint. Par contre, contrairement à la première catégorie, on va s'apercevoir que cette catégorie, le kufr al-qawli, les exemples qu'on a donnés ici et la parole qu'on a donnée du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'était par rapport bien entendu à ce qui va entrer dans le kufr al-akbar, sachant que dans le kufr al-qawli, c'est-à-dire donc la parole ou la mécréance propre à la parole, il va rentrer des choses qui sont de l'ordre du al-kufr al-asrar. Donc ici une grande attention à donner à cette catégorie, contrairement à la première catégorie où il n'y a que le kufr al-akbar et le kufr al-qalbi. Par contre, le kufr al-qawli, il y a les deux catégories qui rentrent ici, suivant bien entendu l'aspect de ce qui fait sortir d'islam ou pas. Et ici, à l'exemple de ce qui va rentrer dans le kufr al-asrar, tout simplement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, il a cité certaines paroles comme étant du kufr, c'est-à-dire atlaqa ala hadhihi al-aqwal al-kufr. Donc il les a désignés comme étant du kufr. Mais on va comprendre, et de façon claire et nette, que ces paroles ne sont du kufr, mais en dans le kufr al-asrar, et ne font pas partie du kufr al-akbar. Comme ce hadith qui nous est rapporté par l'imam muslim dans son authentique, où il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Ithnatan fin nas huma bihim kufr, at-ta'am fin nasab, wa niyahatu ala al-mayyit. » Donc il y a deux choses qui, chez les gens, sont par rapport à eux du kufr. Huma bihim kuf sont en réalité du kuf, sont considérés donc comme du kuf. C'est pour ça qu'il a appelé ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam huma bihim kuf. Donc ces deux choses, on va voir que ce sont en réalité des paroles qui sortent et qui sont exprimées par la langue. Donc ces deux choses sont du kuf. Il nous dit à ta'am fi nasab, donc le fait de discréditer le lignage d'une personne, à ta'am fi nasab. Ou alors, et an-niyahatu ala al-mayyit. Et donc an-niyaha, on avait déjà expliqué de façon détaillée ce que c'était an-niyaha dans nos cours, lorsqu'on avait parlé de qui rentre dans les cours de la tombe, al-qabr. On avait expliqué ce qu'était an-niyaha, comme le fait de pleurer sur les morts et de dire des paroles, etc. Donc an-niyahatu ala al-mayyit. Et donc ça va être fait ici également par des paroles. Donc on voit bien que le prophète Sam a nommé cela comme étant du kufr, et ça rentre dans la parole, donc el kufr, el qawli. Mais pourtant, et ça bien entendu de façon unanime, ça ne fait pas sortir d'islam, mais ça rentre bien entendu dans ce qui est du kufr el asrar. Ensuite, et la dernière catégorie, c'est el kufr el amali. El kufr el amali. Wa huwa ma yaqum bil jawarih min al a'mal التي جاء في النصوص وصفها بالكفر التي جاء في النصوص وصفها بالكفر. C'est tout simplement donc el kufr al-amali, donc la mécréance qui est propre à l'acte, c'est tout ce qui va être accompli par les membres du corps, min al-a'mal, comme acte bien entendu. On va faire sortir ici bien entendu al-lisan, c'est-à-dire donc la langue, car si on a vu al-lisan akhas, on a vu que la langue c'était quelque chose qui était plus particulier, qui rentrait donc dans le kufr al-qawli, même si bien entendu ça fait partie également des membres du corps. Donc al-jawarih, tout ce qui va rentrer dans les membres du corps, et dont al-shara, et dont la législation l'a appelé comme étant du kufr, ou l'a décrit donc ces actes là comme étant du kufr. Et à partir de là, c'est ce qu'on a vu le cours dernier. Et on va voir à partir de là, donc ce qu'on appelle le kufr al-amali. Le kufr al-amali. Et donc, on avait expliqué ce qu'était le kufr al-amali. Et que le kufr al-amali, à partir de là, il y avait celui qui va faire sortir de l'islam et celui qui ne va pas faire sortir de l'islam. Et on avait déjà cité, et maintenant les choses vont être claires, pour ceux qui ont déjà suivi les cours, que ce qui ne fait pas sortir de l'islam, c'est tout ce qui va rentrer dans Al-Kufr Al-Asrar et qui va être cité en comparaison avec le Kufr Al-Irtiqadi. Tayyib, ça bien entendu, c'est pour ce qui ne fait pas sortir l'islam. Et pour ce qui fait sortir l'islam, on l'avait vu, à titre de, ou à exemple de As-Sujud Lis-Sanam, le fait donc de se prosterner devant les idoles, le fait de tuer les prophètes, ou le fait de les insulter, etc. Tayyib. Donc tout cela, ou ces exemples-là, sont bel et bien Al-Kufr Al-Amali, rendant le Kufr Al-Amali, ils sont faits donc par les membres du corps, mais ici, ils font sortir de l'islam. Donc ils sont, ou ils rentrent dans Al-Kufr Al-Akbar. Et ça, bien entendu, sans la détailler la semaine dernière. Donc les choses maintenant sont plus claires par rapport à ces aqsam ensemble. Ensuite donc, pour revenir à la question du shir, et qui est la suivante, il a kam qism yanqasimu kullu min al-dhulm wal-fusuq wal-nifaq. La question c'est la suivante: quels sont les exemples, ou Arfwan, en combien de catégories se subdivise l'injustice, donc al-dhulm que l'on traduit par l'injustice, al-fusuq qui est la perversion, donc on dit al-fusuq, on dit al-fisq, c'est pareil, c'est la perversion, et al-nifaq qui est l'hypocrisie. Le shir va nous dire yanqasimu kullu minhuma ila qismayn akbaru wa huwa al-kufr wa asgharu dun dhalik. Donc il nous dit tous ils vont se diviser en deux catégories, que ce soit al-dhulm se divise en deux catégories, que ce soit al-fusuq se divise en deux catégories, que ce soit al-nifaq se divise en deux catégories. Et il va nous dire donc le shir que la première catégorie huwa al-akbar, et c'est ce qui va donc être le kufr. Donc le kufr al-akbar, donc celui qui fait sortir d'islam, le grand ou la mécréance majeure, wa asgharu dun dhalik. Et l'autre qism, c'est celui donc qui est mineur. Donc le shir va donner ensuite, dans les prochaines questions, des exemples. Pour ce qui est du dhulm, à partir de là, dhulm, il va être celui qui va être akbar, celui qui va être asrar. Al-nifaq, de même, al-fusuq, de même, celui qui est akbar et celui qui est asrar. Il va nous donner des exemples, le shir à travers le Qur'an, et à partir de là donc on pourra bel et bien connaître la manière de l'emploi de ces termes, comment sont employés ces termes et à quel moment ils veulent dire kouf ou dhulm akbar, celui qui va faire sortir l'islam, à titre d'exemple du dhulm, ou alors l'asrar. C'est pour ça donc à la question suivante, la question 170, yaqul le shir ma mithalu kulli min al-dhulm al-akbar wal-asrar. Donc, quels sont les exemples d'injustice majeure et mineure? Il va nous, d'abord, dans un premier temps, il va nous donner des exemples. Que dans le Coran, il y a le terme dhulm qui vient, mais qui veut dire al-dhulm al-akbar, qui veut dire par là l'injustice majeure. Et qui en réalité est le kufr al-akbar, qui en réalité la mécréance majeure. Pourquoi? Parce que ça fait sortir l'islam. Et on sait que ce qui fait sortir l'islam, c'est le kufr majeur. Tayyib. Ces exemples, c'est ce qu'il va nous dire le shir. Ma dhakara Allahu ta'ala fi qawlihi. Le premier verset c'est sur sourate Yunus, et c'est le verset 106. Donc on est ici dans le dhulm al-akbar, l'injustice majeure. Yaqul wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire, et si tu fais, ou si tu le fais, si tu fais cela, tu seras alors du nombre des injustes. Ici le terme min adh-dhalimin. Donc bien entendu ici, comme on le répète, comme on l'a vu par rapport au kouf, c'est le kouf et ses dérivés. Le kouf et ses dérivés, que ce soit donc le verbe, que ce soit celui qui va faire l'acte, ism al-fa'il, etc. Donc ici min adh-dhalimin. Celui qui va faire cela, il fait partie donc des injustes. Mais quelle injustice? Injustice majeure. Donc le kufr al-akbar, celui qui va faire sortir de l'islam. Pour qu'on voit, avant cela, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Donc n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Donc on voit bien que c'est du kufr ici. Wabil akhas le shirk. Wabil akhas, c'est-à-dire de façon plus spécifique, le shirk. Donc on voit ici que c'est bel et bien le shirk qui est désigné, wala tad'u, le fait d'invoquer un autre qu'Allah Azzawajal. C'est bien le shirk. Tayyib, et donc il rentre dedans, ou on peut l'exprimer également par le kouf. Par le kouf. Et c'est bien entendu du kouf akbar. Et c'est donc ici désigné par le terme min al-dhalimin, qui est donc al-dhulm al-akbar. Donc on voit, ensuite, lorsqu'on a bien compris toutes les terminologies et tous ces termes-là, on comprend bien donc de façon claire les versets. Wa qawluhu ta'ala, inna shirka la dhulmun azim. Donc la parole de Luqman, qu'il a dit à son fils, c'est le verset 13 de Surat Luqman. Inna shirka la dhulmun azim. Donc l'associationnisme à Allah, le polythéisme à Allah est vraiment une injustice énorme, est vraiment une grande injustice, une immense injustice. Donc ici le terme est employé dhulm, et c'est bien entendu ici min dhulm al-akbar, celui qui va faire sortir de l'islam. De même ici donc le terme employé c'est le shirk, et qui va rentrer donc dans le kufr. Wa qawluhu ta'ala innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ça c'est fi sourate al-Maida, et c'est le verset 72. Encore une fois, le terme qui va être employé ici, wa ma lidh-dhalimin, donc le terme, il va désigner ceux qui ont fait cet acte-là, ceux qui ont donc adonné, qui ont donné à Allah Azza wa Jalla des associés, quiconque associe à Allah, alors lui, Allah lui interdit le paradis. Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Donc al-dhalimin ici, c'est celui qui a fait le dhulm, mais c'est celui qui a fait ici le dhulm al-akbar. Ça, c'est trois versets du Coran pour voir que le dhulm, il est akbar. Mais il peut être également asrar, donc la deuxième catégorie. Il peut être donc mineur, et c'est celui qui ne va pas faire sortir de l'islam. Et c'est ce qui va nous dire le shir. Wa mithal dhulm alladhi duna dhalik ma dhakara Allahu ta'ala bi qawli fi at-talaq. Donc c'est ce qui a été rappelé par Allah Azza wa Jalla dans sa parole à propos donc du at-talaq, à propos donc des versets qui vont suivre et qui concernent donc at-talaq, qui est le divorce. Yaqul Allah Azza wa Jalla wattaqu Allah rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Dans ce verset qui est surat al-talaq, qui est le verset 1, et craignez Allah votre Seigneur, ne les faites pas sortir de leur maison, et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. Bifahishatin mubayyina wa tilka hududullah. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah, wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah, s'est fait du tort, il s'est fait donc du tort à lui-même. Donc le terme ici employé, c'est le verbe valama, qui vient donc du terme dhulm. Mais ici, lorsqu'il a employé ce dérivé de dhulm, est-ce qu'il veut dire le kufr al-akbar ou al-dhulm al-akbar, celui qui va faire sortir l'islam? Bien entendu non. Bien entendu non. C'est celui tout simplement qui va être considéré comme mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est considéré comme un dhulm ici. Un autre exemple également. Il nous dit Allah Azza wa Jal, yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Baqarah, qui est le verset 231. Donc le deuxième exemple qu'il nous donne, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسًا. Donc la même chose ici, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسًا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. Ne les retenez pas pour leur faire du tort. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Et donc ceux qui vont faire cela, faqad zalama nafsa, il a donc fait du tort à lui-même. De même ici, zalama, il a fait donc acte d'injustice, mais c'est injustice qui est dehors de l'ordre de l'injustice mineure. Ça c'est pour ce qui est donc du dhulm. Et ce dhulm là donc, comme on le voit, il a soit il est majeur, soit il est donc mineur. C'est important de comprendre à partir de là an-nusus, ne pas se tromper et faire entrer dans ce qui est du mineur le majeur, ou inverse. Ensuite, à la question 171, le shir, il passe maintenant à pour ce qui est de al-fisq, pour ce qui est du fisq, ou al-fusuq. Fayaqul, ma mithalu kulli min al-fusuq al-akbar wa al-asghar. Ma mithalu kulli min al-fusuq al-akbar wa al-asghar. Mithal al-fusuq al-akbar. Donc, bien entendu, la question est la suivante. De même, quels sont donc les exemples de perversion majeure et mineure? Il va nous dire donc le shir, Il va d'abord nous donner des exemples pour ce qui est du kufr ou arfouan, du fisq al-akbar, la perversité majeure. Yaqul innal munafiqina humul fasiqun fi surat at-tawba, qui est le verset 67. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Donc les hypocrites ici, al-munafiqin, ceux bien entendu qui cachent leur kufr et qui font apparaître l'islam. Humul fasiqun. Donc ici sont al-fasiqun, ismun fa'il, du terme al-fisq. Tayyib, ce sont les pervers. Et les pervers ici qui ont une perversité majeure, qui les fait sortir de l'islam. Également, cette parole d'Allah Azzawajal, fi surat al-Kahf, qui est le verset 50. Illa iblis kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih. Sauf Iblis, le Jab, Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Ici, le terme fa fasaqa an amri rabbih. Donc on voit bien le terme en arabe, fafasaqa, fafasaqa, qui est donc le verbe et qui vient du terme fisq, donc qui a fait acte de perversité, qui a fait acte donc de perversité an amri rabbi, par rapport donc à l'ordre de son Seigneur. On sait qu'au niveau de la langue arabe, el fisq, il veut dire le khuruj, le fait donc de sortir. Donc on voit bien ici, c'est qu'il est sorti de l'ordre d'Allah. Il est sorti de l'ordre d'Allah. Ensuite également, un autre verset du Coran qu'il va nous citer, le shirk, et qui est le verset suivant, Naam, et qui fait surat al-Anbiya, qui est le verset 74, toujours fait le fisq al-akbar, celui qui fait sortir l'islam. Yaqul Allah Azza wa Jal, wa najjaynahu min al-qaryati allati kanat ta'malu al-khaba'ith, innahum kanu qawma saw'in fasiqin, innahum kanu qawma saw'in fasiqin. Et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Fasiqin. Donc ce sont des fasiqin. Donc ici, ismul fa'il, celui qui fait le fisq. Mais ce fisq-là, bien entendu, c'est le fisq al-akbar, celui qui fait sortir de l'islam. Pour ce qui est en dehors de cela, c'est-à-dire le fisq al-asrar, on va s'apercevoir donc qu'également, le fisq est là, la deuxième catégorie, et cette catégorie qui ne fait pas sortir de l'islam. Et, yaqul al-shir, qawlu ta'ala fil qadafa, donc qui vient du terme al-qaf, qui est le fait donc de dire d'une personne qu'elle a fait le zina, diffamer ou accuser, le fait de diffamer ou d'accuser une personne, le fait d'accuser une personne, d'accuser une personne de zina. Taïb. Donc c'est ce qui est voulu. Qawlu ta'ala fil qadafa, donc ceux qui diffament ou ceux qui accusent à tort et à travers sans même preuve. Yaqul Allah Azza wa Jal, wa la taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Ça c'est surat an-Nur. Et c'est le verset 4. Et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Donc bien entendu, ils n'ont pas fait un acte de kouf akbar. Ils ont fait un acte de ce qui est, de ce qui rentre dans le kouf al-asrar. Dans ce qui rentre dans la mécréance mineure. Et donc ici, cette mécréance qui se traduit par le fisq, qui se traduit donc par la perversité. Donc, humul fasiqun ici, on va savoir que humul fasiqun, ce sont pas ceux qui sont al-fasiqun dans les versets précédents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un acte qui fait sortir de l'islam. Mais ce sont ceux qui ont fait un acte qui rentre dans le kufr, mais dans le kufr qui ne fait pas sortir de l'islam. Celui qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc c'est pour ça que les savants disent que c'est ici fisq asrar. On s'aperçoit ici qu'il faut faire très attention lorsqu'on entend ce terme al-fasiqun. Lorsqu'on entend ce terme al-zalimun, de ne pas tomber dans le piège de dire celui qui donc fait cet acte-là, il sort de l'islam. Pourquoi? Parce qu'al-fasiqun, comme on l'a vu dans d'autres versets, ce sont ceux qui ont fait le fisq al-akbar, et de bien faire la différence. Et c'est malheureusement beaucoup de sectes qui sont tombés dans ces interprétations et qui n'ont fait aucune différence dans la terminologie des termes employés dans le Coran, et qui sont donc tombés dans le takfir ou autre. Wallah al-musta'an. Également, cette parole d'Allah Azzawajal pour ce qui est du al-fisq al-asghar. Et cette parole qui est descendue, comme dit le Cheikh, Ruyanna nazalat fil Walid ibn Uqba. Al-Walid ibn Uqba qui avait été envoyé en réalité auprès d'une tribu, Bani Mustalaq, qui a été envoyé donc pour récupérer Zaka, pour récupérer donc l'impôt. Taïb. Et lorsqu'il est arrivé proche d'eux, il a cru, lui il a cru en réalité qu'il voulait le le tuer et ne pas donc payer la zakat. Et donc, lorsqu'il est revenu au prophète, le prophète donc, Hamma, il a eu l'intention d'envoyer une armée. Mais bon, à ce moment-là, un des responsables de cette tribu est venu voir le prophète et lui expliquer ce qui s'était passé. Ce qui s'était passé en réalité, c'est qu'ils avaient cru qu'ils n'avaient pas envoyé d'envoyer pour récupérer la zakat et qu'ils étaient partis eux-mêmes à sa rencontre. Et lorsque lui, Al-Walid, qu'il venait à sa rencontre, il a cru qu'il voulait donc le tuer. Donc c'était une mauvaise interprétation de sa part. Et c'est pour ça que ce verset il est descendu. Et qui est le verset suivant, يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ça c'est في سورة الحجرات qui est le verset 6 des appartements. Oh vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Enam. Donc également ça, c'est très important d'appliquer ce verset et de savoir de qui on va prendre l'akhbar, de qui on va prendre donc les informations, donc de connaître la personne. Ala kulli hal, ici dans le verset, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. El fasiq ici, ce n'est pas bima'na el kafir. C'est-à-dire celui qui aurait fait le fisq akbar, qui s'est sorti donc de l'islam. Mais ici, le terme fasiq revient au fisq al-asrar, donc celui qui ne fait sortir de l'islam. Ça donc, c'est les exemples qu'il a donné le shir pour ce qui est donc de al-fisq et six catégories. Taïb, on va s'arrêter ici, inshallah, et on continuera donc avec des exemples pour ce qui est de al-nifaq. Et ensuite, le shir, il va passer après une question qui concerne السحر والساحر. À la kulli hal, avant de passer à cette question-là, on va rentrer dans certains détails qui sont très importants et qui vont être en considération également avec ce qu'on appelle le takfir, avec le fait de rendre une personne mécréante et de connaître des règles qui sont très importantes par rapport à cela. Donc pour compléter le sujet, puisque le shir a parlé tout le long du kufr, il a parlé également de tout ce qui faisait sortir de l'islam. Parmi donc les catégories du dhulm, parmi les catégories du fisq, également du nifaq, etc. Donc ça se viendra compléter donc les cours ou le texte et les paroles de Shir Hafir, car c'est également bab, c'est-à-dire un chapitre qui est très important à connaître pour ce qui est de règles qui sont très importantes par rapport à ce qui rentre dans at-takfir. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.